yeux, mon père qui êtes odieux, ce que ma sœur est à ses rêves, mon trêve. Trêve seul dans les couloirs, guidant de père le désespoir, des fautes semées dans l'esprit, trêve. Aujourd'hui faire la sourde oreille est un remède facile à l'eau, ou des années longues de peine, éclose d'arbres qui te fruit, des fleurs de pourvues de belles graines, pourtant cachées par un ennui qui nuit sans doute à tous les rêves de racines issues de chênes pourries. Comment un gamin se démène lorsqu'une peine jour s'appuie sur ses épaules et dans ses gènes, un schéma père en lui surgit. Que reste-t-il de son sourire lorsqu'un violent désir le mène vers l'abîme d'un non-sens d'envie, l'isolant de croire en sa veine. Seul dans les couloirs, guidant de père le désespoir, des fautes semées dans l'esprit, trêve. Et puis retourne t'emblémie, par trop de gouttes d'alcool gris, libère ta conscience qui te gêne, auras-tu oublié la haine qu'un acte non manqué la nuit, délivre rire, douleur, mépris, dont la seule issue ne te gêne, sera le saut d'un ange que j'aime.